étudier la psychologie des Noirs par leur musique. Deuxième épisode, la Hampton Folklore Society, 1893-1900. La Hampton Folklore Society est la première institution consacrée à la collecte de folklore afro-américain. Elle est fondée en 1893 au sein du Hampton Normal and Agricultural Institute en Géorgie. Cet institut avait été créé avec le soutien du Freedmen's Bureau en 1868. Donc on avait parlé du Freedmen's Bureau qui a été créé par le gouvernement fédéral pour apporter une aide économique et sociale aux Noirs fraîchement émancipés. Donc cet institut, le Hampton Institute, est créé en 68, 3 ans après la fin de la guerre de sécession, par un ancien général de l'Union. À l'instar d'autres établissements tels que le Tuskegee Institute, fondé par l'intellectuel noir Booker T. Washington, le Hampton Institute offre des formations aux travaux manuels et un programme éducatif censé apporter aux Noirs émancipés un bagage culturel et une formation professionnalisante permettant leur intégration à la société moderne. L'Institut de Hampton s'appuie sur l'idée selon laquelle les Noirs auraient un potentiel d'avancement moral et mental devant être stimulés par l'enseignement. Les professeurs blancs de l'Institut ont pour mission de les éduquer et de les civiliser afin qu'ils abandonnent progressivement leurs croyances et pratiques jugées barbares et arriérées. Alors, si ce point de vue est aujourd'hui considéré à juste titre paternaliste et raciste et tout ce qu'on veut, il est à l'époque bien plus progressiste et tolérant que celui qui est plus répandu, selon lequel les Noirs seraient génétiquement inférieurs et incapables d'apprendre. Le folklore des familles et proches des élèves de l'Institut commence à être collecté une vingtaine d'années avant la fondation de la Société de folklore de l'Institut, en 1893. La notion de folklore désigne alors pour les enseignants les coutumes et traditions orales, telles que les contes animaliers, les superstitions et conjurations, ainsi que les chants de travail et religieux. L'objectif initial de la collecte de ce folklore n'est pas la préservation de ces formes orales, mais leur exposition et leur étude, dans le but d'aider les élèves à réaliser leur caractère arriéré, à montrer leur infériorité par rapport au savoir enseigné à l'Institut. À nouveau, le seul élément de folklore à obtenir le consentement des enseignants sont les spirituals, qui témoignent de la capacité des Noirs à être de bons chrétiens. L'établissement, d'ailleurs, fonde sa propre chorale, en dépit de la répugnance de beaucoup d'élèves à chanter ces chants leur rappelant les épreuves de l'esclavage. La naissance de la Société de folklore au sein de l'Institut Hampton marque un tournant idéologique important. De résidu du barbarisme des anciens esclaves, le folklore devient un témoignage historique du passé, digne d'être sauvé de l'oubli. Ce glissement s'opère 5 ans après la fondation de l'American Folklore Society et les efforts de ses membres de faire du folklore américain un objet d'étude légitime, méritant l'attention des chercheurs. La fondatrice de la Hampton Folklore Society, Alice Bacon, entretient d'ailleurs des liens étroits avec les membres de l'American Folklore Society. Les deux sociétés échangent des données, co-organisent des conférences et publient dans leurs journaux respectifs. Alice Bacon est une éducatrice, fille d'un théologien de Yale, qui a voyagé et enseigné notamment au Japon. Elle revient de ses voyages avec une idée critique de la notion de civilisation, observant qu'elle est toute relative et que ce qui est considéré civilisé au Japon ne l'est pas forcément aux États-Unis et vice-versa. Elle considère ainsi la culture orale des Noirs comme ayant une valeur intrinsèque lorsqu'elle est mise en contexte et donc elle s'éloigne des biais évolutionnistes la rejetant dans le domaine de l'ignorance et de l'immoralité. Avec Alice Bacon à la tête de la Hampton Folklore Society, les collectes deviennent plus systématiques et alimentent des réflexions plus positives à l'égard des formes verbales et des objets collectés pour leur qualité magique ou spirituelle. Les collecteurs qui travaillent donc au sein de la Société de folklore de Hampton sont tous noirs. Ce sont d'anciens élèves et des membres de la petite bourgeoisie de la région. Pour Bacon, il est essentiel que les enquêteurs soient familiers des personnes qu'ils collectent. Et cette idée est assez novatrice. Beaucoup de chercheurs sont alors naïfs quant à la propension des Noirs à jouer un rôle face aux collecteurs blancs, à leur donner ce qu'ils s'attendent à obtenir et à garder secret leurs pensées et chants les plus intimes. ou les plus subversifs. Pour les collecteurs de la société folklorique de Hampton, l'objectif est de montrer au lectorat des revues de folklore que les traditions orales noires ne sont pas moins intéressantes que celles des Amérindiens ou des Anglo-Américains, et de proposer une alternative aux représentations les tournant en dérision, comme certains spectacles de blackface. La collecte de champs de travail, notamment ceux employés pour la récolte du coton, est l'occasion d'expliquer leur fonction technique de maintien du rythme de travail, tout en démontrant au passage le caractère laborieux des Noirs. L'objectif de la Hampton Folklore Society est enfin de préserver des traces de l'histoire des Noirs de Virginie, notamment par la collecte de témoignages oraux, afin que leurs futurs descendants connaissent la manière dont ils vivaient, leurs croyances et leurs coutumes. Le prochain épisode sera consacré à Howard Odum, un sociologue qui a collecté des chants profanes au début des années 1900. On se quitte avec un chant de travail sur la récolte de coton, la Cotton Picking Song, interprété par Henri Truvillion. C'est un enregistrement réalisé par John et Ruby Terry Lomax dans la ferme de Henri Truvillion, dans le comté de Newton, Texas, le 18 mai 1939. Board the wagon coming down to Home Cotton Farm. Home Cotton Farm, I'm digging it by the town. Board the wagon coming down to Home Cotton Farm. Home Cotton Farm, I'm digging it by the town. Boy, the wagon's coming down to haul the cotton home. Come, cotton, come, I'm picking it by the pound. Boy, the wagon's coming down to haul the cotton home. Come, cotton, come, I'm picking it by the pound. Little Billy up to the right. Beat him close to here till the cabin got back. I'm digging it by the pound. Boy, the wagon's coming down. Haul the cotton home. Come, cotton, come. I'm digging it by the pound. Dead old Billy to the wall to stroke. He wouldn't drink water and he wouldn't walk off. I'm digging it by the pound. Boy, the wagon's coming down. Haul the cotton home. Come, cotton, come. I'm digging it by the pound.